Seigneur, Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Alléluia. Sois loué. Seigneur, sois loué. Alléluia. Sois loué. Seigneur, sois loué. Alléluia. Car tu es le seul Dieu. Avec des cris de joie, célébrons le Seigneur. Seigneur, sois loué. Alléluia. Tu as rempli nos vies de joie et d'harmonie. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Tu es digne de louange.